Ah, Dieu veut qu'on le donne et non pas qu'on le vende. La mort fut toujours juste et toujours nivela. Reconnaissez du moins cette égalité-là. Respectez le cercueil sans mépriser la bière. Faites le même accueil à la même poussière, sur le même silence, ayez le même chant. Quoi? Je cherche un apôtre et je trouve un marchand. C'est d'un comptoir que part l'escalier de la chair. Que dirait-il de voir le psaume à l'enchère, ces hommes qui songeaient, pâles, dans le désert? Ah, ce De Profundis superfait qui ne sert qu'aux riches et qu'on met en musique et qu'on brode, que Jésus n'aurait pas et qu'obtiendrait Hérode. Ô terreur, il n'en faut pas plus pour faire Dieu farouche et pour changer en ciel noir le ciel bleu. La prière vendue à l'accent du blasphème. Hélas, c'est de la nuit que dans les cœurs on sème. L'ombre au-dessus de vous, mage qui brocantez, efface brusquement toutes les vérités. Quoi? Vous ne voyez pas l'éclipse formidable? Vous qui savez combien l'abîme est insondable, vous vous faites vendeur. Prêtre, l'adossement de l'échoppe suffit pour que le firmament épaississe au-dessus de l'église ses voiles. La boutique retire au temple les étoiles.